Job chapitre 6. Mais Job répondit, et dit, plus à Dieu que mon indignation fut bien pesée, et qu'on mit ensemble dans une balance ma calamité. Car elle serait plus pesante que le sable de la mer, c'est pourquoi mes paroles sont englouties. Parce que les flèches du Tout-Puissant sont au-dedans de moi, mon esprit en suce le venin, les frayeurs de Dieu se dressent en bataille contre moi. L'âne sauvage brayera-t-il après l'herbe, et le bœuf mugira-t-il après son fourrage? Mangera-t-on sans sel ce qui est fade? Trouvera-t-on de la saveur dans le blanc d'un œuf? Mais, pour moi, les choses que je n'aurais pas seulement voulu toucher, sont des saletés qu'il faut que je mange. Plus à Dieu que ce que je demande m'arriva, et que Dieu me donna ce que j'attends, et que Dieu voulut m'écraser, et qu'il voulut lâcher sa main pour m'achever. Mais j'ai encore cette consolation, quoique la douleur me consume, et qu'elle ne m'épargne point, que je n'ai point tué les paroles du Saint. Quelle est ma force, que je puisse soutenir de si grands maux? Et quelle en est la fin, que je puisse prolonger ma vie? Ma force est-elle une force de pierre, et ma chair est-elle d'acier? Ne suis-je pas destitué de secours, et tout appui n'est-il pas éloigné de moi? À celui qui se fond sous l'ardeur des maux, est due la compassion de son ami, mais il a abandonné la crainte du Tout-Puissant. Mes frères m'ont manqué comme un torrent, comme le cours impétueux des torrents qui passent, lesquels on ne voit point à cause de la glace, et sur lesquels s'entasse la neige, lesquels, autant que la chaleur donne dessus, défaillent, quand ils sentent la chaleur, ils disparaissent de leur lieu, lesquels, serpentant çà et là par les chemins, se réduisent à rien, et se perdent. Les troupes des voyageurs de Théma y pensaient, ceux qui vont en Sébastie attendaient. Mais ils sont honteux d'y avoir espéré, ils y sont allés, et ils en ont rougi. Certes vous m'êtes devenu inutile. Vous avez vu ma calamité étonnante, et vous en avez eu horreur. Est-ce que je vous ai dit, apportez-moi et me faites des présents de votre bien, et délivrez-moi de la main de l'ennemi, et me rachetez de la main des terribles? Enseignez-moi, et je me tairai, et faites-moi entendre en quoi j'ai erré. Oh, combien sont fortes les paroles de vérité! Mais votre censure, à quoi tend-elle? Pensez-vous qu'il ne faille avoir que des paroles pour censurer, et que les discours de celui qui est hors d'espérance ne soient que du vent? Vous vous jetez même sur un orphelin, et vous percez votre intime ami. Mais maintenant, je vous prie, regardez-moi bien, si je mens en votre présence. Revenez, je vous prie, et qu'il n'y ait point d'injustice en vous, oui, revenez encore, car je ne suis point coupable en cela. Y a-t-il de l'iniquité en ma langue? Et mon palais ne sait-il pas discerner mes calamités?